Il semble à présent évident que dans cette maison rôde la mort, actrice omniprésente au troisième et dernier acte de la vie. Et je crois que l'on peut dire, avec juste raison, que ce qui vient après la vie est un des mystères les plus impénétrables. C'est une immense zone d'ombre réservée à ceux qui y pénètrent un jour pour l'éternité. Mais dans un moment, cet enfant va pourtant franchir le pont qui sépare la lumière de l'ombre.